a deep one for the end zone. Palin is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! He did it! That's play. Here's the shot! Henderson made a wild snap work spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone début. Touché pour le rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The man has won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue à l'inconduite de partie, une émission qui chaque semaine vous parle de sport, amateur professionnel d'un peu partout à travers la planète. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va bien ce matin? Bon matin, bon matin. Bon matin, puis à Luc, comme depuis 3 heures à mes côtés. Oui, comme d'habitude. Et passez une belle semaine. Très belle semaine. On est vendredi. Ouais, ça va faire du bien, une belle fin de semaine. On a hâte à 5h ce soir. Ouais. 3 heures dans mon cas, 3 heures. Il reste plus longtemps. Ah, ça, en face de moi, Philippe. Ben ouais. Monsieur Doucet, comment ça va? Ça va très, très bien. Toi aussi, passe une belle semaine? Oui, excellente semaine. Alors, ton Ladies Night commence ce soir? Ce soir, pas ce soir, 11h. Je suis parti directement. Où tu es parti? Tout de suite après l'émission. Ouais, ouais, ouais. Ouh, ouais. Déjà, ça va bien. Déjà. Ah. Au Salon Rouge, en plus. Ouh. J'ai comme pris un niveau de statut social. Là. J'ai comme non, eu t'es... maintenant droit accès à rentrer au Salon Rouge. Là. T'es juste noble. Alors, cette semaine à l'émission, on vous parle. Ben, on va parler des Patriotes. On va parler, bien sûr, des débuts de saison de soccer qui ont commencé. Pierre-Luc, hockey junior, la saison ouais. vient de commencer. Ouais, la tu vas saison quand même avoir la beaucoup de choses à nous dire. Oui. Toi, en avant. Hein? Tu me parles de soccer comme d'habitude. Ben oui, comme d'habitude. Tu veux nous parler de la Barclays? Je vais vous parler de la Barclays, de l'Impact, de la Champions League et un petit peu des Pats aussi. T'es bon, c'est bon. Oh, d'accord. Et on va voir JP Grenier par téléphone qui va nous parler de ce qui est football, les matchs de fin de semaine au Canada et aux États-Unis. Et on se garde un petit mix à la fin pour parler de Hockey Québec, l'organisme qui se dépasse dans ses façons de faire, plus intelligentes les unes que les autres. Ouais. Alors, on va vous parler de ça en fin d'émission. Si vous voulez être au courant un peu de quoi on va parler, là, allez sur rufrontenac.com, le dernier texte, ou un des derniers textes de Martin Leclerc sur son blog. Vous allez voir, c'est à vomir. Ou même encore, allez sur l'inconduitedeparti.com. J'ai mis un lien sur notre site qui se rend directement là, donc n'hésitez pas à lire ça. Donc, on va parler des Pats Soccer qui étaient en action cette fin de semaine, plutôt la fin de semaine dernière, alors qu'ils affrontaient deux équipes. Tout d'abord, le Rougeur de Laval, les hommes et les femmes étaient à Laval. Ça n'a pas été champion pour les Patriotes, disons-le. C'est une défaite de 4-0 face au Rougeur, malheureusement. Donc, on ne peut pas dire que ça a été très bien. Un début difficile. Mais en même temps, c'est le Rougeur, c'est... Ça commençait pas non plus nécessairement avec l'équipe la plus accessible. Non, ça c'est vrai. En plus, ça c'est les filles. T'as un club qui est difficile, puis toi-même, ton club, quand même nouveau cette année, quand même pas le meilleur club à date. Donc, ça n'a pas été facile, mais c'était accompli pour les hommes. Qui se sont inclinés par la marque de 7-0 face à Laval. Ouf, ça n'a pas été facile. Donc, un touché et une transformation à zéro. Non, ça n'a pas été facile. Donc, honnêtement, moi, je me disais, pour les hommes, ça regarde mal pour la saison, ça, 0, ça prend mal. Non, ils se sont pris dimanche une nulle très intéressante de 1-1 contre les Carabins de Montréal, ouais. Qui sont quand même une des forces dans la ligue avec Laval puis l'UQAM. 1-1, un but de... Je me manque. Un but de Émile Dufour-Galland, donc, qui est venu marquer un but sur une belle montée. C'est fun. Je ne sais pas si tu as été sur le site de Patriot TV. Non, pas. En fait, ma connexion Internet à domicile n'étant qu'une simple fable. Ça m'a complètement empêché d'aller voir encore Patriot TV. Mais écoute, sur Patriot TV, tu peux aller voir les fessayants du match. On, justement, ouais. J'ai pu voir un peu ce que le but a eu de l'air. Vraiment une belle montée à l'emporte-pièce. Ouais. Mais Émile est un très, très, très rapide joueur. Okay. Très fort aussi, un bon botté. Quelqu'un de super intéressant à voir jouer. Quand même, sa troisième saison, je pense, avec les Pats. Fait du bon boulot. Du bon boulot. Et chez les filles, maintenant, ça s'est terminé 2-0 en faveur des Carabins aussi. Donc, au classement général, les filles, dernière position présentement avec 2 matchs, 0 victoire, 2 défaites. Par contre, ils sont encore égales avec l'UQAM qui a perdu ses 2 matchs quand même. Les filles d'UQAM, normalement, venaient à se débrouiller. C'est pas l'Université de Montréal, mais ou encore Laval, là, mm-hmm. Mais venaient qu'à se débrouiller. Dans ce cas-ci, c'est non. Et Bishop, ben écoute, 3 matchs, 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Donc, ils sont en 6e position, mais ont un match en main. Oh, mais c'est ça. Il y a encore très peu de matchs de jouer aussi. Non, fait que... faut pas trop s'exciter encore avec ça. D'un autre côté, c'est pas comme s'il y avait plusieurs matchs dans la saison. Là. C'est une saison de quoi 8-9 matchs à peu près. À peu près. Donc, ça va vite. On ne peut pas se prendre les lauriers là-dessus. C'était mal dit, hein, ça. C'était particulier. Je voulais dire, se pogner les fesses et s'asseoir sur ses lauriers. Donc, j'ai fait un mix des deux. S'asseoir. Je me jean péronisme ce matin. Donc, la clé de la semaine chez les Patriots, le Pats de la semaine, c'est Jean-François Fournier, qui est le défenseur central chez l'équipe de soccer. Il mérite, c'est le premier athlète Patriot de l'année. Lui qui débute une deuxième année au baccalauréat à kinésiologie, a connu un bon match, deux bons matchs même. Deux bons matchs, c'est sûr que contre Laval à 7-0, c'est difficile de titrer un bon match. Mais contre Montréal, a tiré son épingle du jeu. Hey, je vous parle de la fin de semaine d'avenir pour les Patriots. Donc, dès ce soir, dans le fond. C'est le tailgate party. Gros événement ce soir. Gros événement. Amenez vos bières, amenez vos barbecues, tout le kit dans le stationnement ici à l'UQTR. C'est les Pats qui vont recevoir les équipes masculines et féminines de l'Université de Sherbrooke, le Var et A. On va avoir droit à de l'animation. On va avoir droit à, je pense, c'est des hot dogs. Ouais. C'est 5$ le billet, gratuit si vous êtes étudiant. Ouais. Ça va être important justement de montrer qu'on est là un peu, que ce serait le fun de mettre plus que 50 personnes dans les Serez-vous là, les gars? Ben moi, je suis en réflexion. Tout dépendant de l'horaire, là, on est pas facile. Puis, Luc, puis moi, malheureusement, Québec, hein? Je serai de retour pour le travail. Bon, toujours ce satané travail. Ah, ben, ouais. Ben moi, je vais être là. Tu vas être là, toi? Je vous en reparlerai vendredi prochain. C'est pour ça que je te demandais tantôt, toi. Tu prendrais une bière pour moi? Bon, je vais en prendre plus qu'une. Philippe, sur le côté, à la regarde des Non, je t'ai amené mes vides, justement, hier. La vie d'étudiant, hein? Ouais, écoute, 4-5 voyages en bas de mon appartement pour remplir ma merveilleuse Daou. Je suis pauvre, mais je bois. C'est bien dit, ça. C'est ça. Donc, ça, c'est en fin de semaine au soccer. Pour vendredi, plutôt pour dimanche. Ça va être contre l'UQAM du côté féminin, tout comme du côté masculin. On s'en va au Centre Claude Robillard à Montréal. C'est dimanche à partir de 16h30 pour les filles et 18h30 pour les hommes. On parle pour les hommes d'un retour au jeu probable de l'attaquant Yannick Fournier, qui a été nommé recrue de l'année en 2009. C'est quelque chose qui peut venir aider pas mal les Pats avec ce début de saison. Golf maintenant, c'est le premier tournoi de l'année de la troupe de Louis-Pierre Godin, l'entraîneur des Patriotes. Donc c'est samedi et dimanche au club de golf Le Milby, c'est dans le coin de Sherbrooke, là, c'est collé. Là. Dans le fond, c'est l'Université de Sherbrooke qui reçoit le tournoi. J'ai hâte de voir ce que les filles vont faire. L'équipe féminine, bon, va être composée de Audrey-Anne Comeau, Noémie Chapdelaine, Stéphanie Monette et les jumelles. Ouais, des jumelles, ils jouent ensemble, je trouve ça cool. Sophie et Stéphanie Desjardins. Donc, ça, c'est pour les femmes. Au niveau masculin, ça, c'est toutes des vétérans chez les femmes. Au niveau masculin, plus de jeunesse un petit peu. On parle de Marc-Antoine Durand, de Alexandre Gadouri et de Jonathan Saint-Pierre, les nouveaux. On retrouve encore la formation on retrouve à la formation aussi des vétérans Pascal Garneau et Frédéric Sirois. Et au niveau individuel, ce sera Alexandre Charon qui va défendre l'honneur individuel des Pats. Comment ça marche au golf? C'est que tu as un tournoi par équipe. Puis pour les compétitions, ils gardent les deux meilleurs scores. Du moins, ça, c'est chez les femmes. Chez les hommes, je ne suis pas sûr à 100%. Là. Ils gardent les deux meilleurs scores final, peu importe les joueurs, les joueuses. Donc, on va voir ça. Cross-country, nouvelle équipe. nouvelle équipe de cross-country cette année. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner au niveau des performances. C'est nouveau. Je pense qu'il faut laisser le temps un petit peu, puis c'est normal. Mais c'est samedi. C'est à Mont-Royal. Montréal. Opelay, comme on dit. C'est McGill qui reçoit ça. Donc, au niveau de la troupe de François Tudreau et Jean Lemoyne, de des Patriotes, qui va les, c'est ceux qui vont représenter les Patriotes. Bon, ça, c'est les coachs, là, mais qui va excusez-moi. qui va représenter les Patriotes. On a hâte de voir ça, j'ai hâte de voir les résultats. Oui, je vais vous revenir là-dessus la semaine prochaine. Ça va être intéressant. De plus, le camp Danone se fait en fin de semaine, samedi. C'est de 13h à 16h ici. C'est pour les jeunes de U9, U10 et U11. J'en parle parce que c'est des, dans le fond, c'est des sélections pour qui va aller au... Tu peux peut-être m'en parler, Philippe, tu sais peut-être plus que moi ou... Mais en fait, c'est une sélection qui se fait en partenariat avec les Patriotes, mais... jusqu'où ça amène les jeunes, ça, par exemple, j'ai pas l'information. T'as pas l'information. Ben non. En tout cas, ça, moi, je lis, c'est pour ça que je te demandais ça. Bon, ben, vas-y donc, d'abord. C'est-à-dire que chaque année, il y a la Danone Cup, la Coupe Danone, qui est disputée au Brésil cette année. C'est ce qui vont. C'est des sélections pour savoir qui va participer à la Coupe des Nations. Là, c'est Québec, puis ensuite, j'imagine, Canada, puis après ça, on s'en va là. Je sais qu'à ces âges-là, on est quand même bon. C'est après que ça se corse, hein? C'est après que... Ben, c'est quand le cardio te rattrape. Parce qu'à 9, 10, 11, 12, 13 ans, t'as de l'énergie en revente, t'es jamais essoufflé. C'est après que ça se gâte. Ça se gâte, tu parles personnellement? Ah, oh, écoute, entre autres, mais à vous regarder, à Beden, j'imagine qu'elle vous a rattrapé tout autant que moi. Non, en effet. Non, mais moi, je parlais au niveau du développement des jeunes par rapport à ne pas être capable d'atteindre une élite mondiale, alors qu'à 9-10 ans, on est quand même bien, puis à 12 ans, c'est là que ça commence à se corser un peu. Donc, c'est pour ça que je dis que dans ces qualifications-là, on est bien, mais qu'après ça, ça se corse un petit peu. Donc, c'est pas mal ce qui conclut pour les Patriotes cette semaine. On s'en va en musique. On s'en va écouter le Sabot Trio et la chanson Rockstar. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur C'est Fou. Alors, c'était le groupe Le Sabot Trio avec la chanson Rockstar. Parlons un peu, on va aller dans le hockey ici à Trois-Rivières. Bon, vous savez, les, je sais pas si vous en avez entendu parler un peu, les Dragons du Collège de la Flèche, bon, qui évoluent au niveau collégial, la fameuse ligue collégiale qui cette année entame sa première année après une année de préparation. Je l'ai pas trop compris, celle-là, moi, encore. Là, une année de préparation, là, de hors concours. Il me semble que quand tu commences, puis quand tu finis, tu finis. Mais bon. C'est pas le cas cette fois-ci. Alors, ils ont débuté leurs activités. On le sait, c'était avec l'école, bon, tout ça. C'était au pavillon Claude Mongrain. Grosse victoire contre le collège Harrington, 15-4 en fin de semaine. Ouf. Donc, ça part bien une saison. Ça, on s'entend que ça met du pépère. Donc, ça a été une grosse victoire. Et ça, c'était vendredi. Dimanche, samedi plutôt, à 19h, la Flèche affrontait Alma. C'était au centre Mario Tremblay. Alma, ça, c'était au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean? Je ne sais pas si quelqu'un qui peut me rafraîchir là-dessus. Saguenay, Lac-Saint-Jean? Moi, c'est tout à la même affaire. Je ne sais pas pour vous autres. C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, merci beaucoup. Okay. Ils ont appelé ça le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour plus qu'on puisse dire que c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est comme l'Abitibi-Témiscamingue. Okay? À part ceux qui viennent de là-bas, il n'y a personne qui fait la distinction. Ceux qui viennent de là-bas, là, tu viens au Lac-Saint-Jean, tu viens pas au Saguenay, puis Saguenay, c'est pas le Lac-Saint-Jean. C'est donc important, puis la tourtière, c'est la tourtière, puis blablabla. Ah, les gars, donc... On va recevoir des appels. Non, on rentre pas là-bas. Donc, en quoi qu'il y avait Internet maintenant et les nouvelles technologies. Une autre victoire de la Flèche, 7-4 contre Alma. Donc, gros début de saison de la part des Dragons. C'est des victoires de deux. Bon, on a deux victoires, 22 buts pour, 8 buts contre. Ça aussi, c'est bien. On domine tout le monde dans la Ligue par minimum 10 buts, sinon plus. Donc, on est deuxième au classement, premier au classement. Là, dites-le comme vous voulez. Ils sont en égalité avec le Cégep de Saint-Laurent. Donc, ça va être intéressant à suivre. Je suis curieux de voir ce que ça va ressembler comme ligue. Parce que là, on se retrouve avec cette ligue-là. On se retrouve avec le Junior 3. On a le Junior majeur. Il y a une ligue de prep school qui va commencer. Il y a d'autres ligues alentour de tout ça. Je ne sais pas si le talent va commencer à être dilué un peu. Ça serait un risque. Quoique la fameuse ligue de prep school, ça serait pour les moins de 16 ans. Là. Mais ça va être... j'ai peur un peu que le talent soit dilué au niveau des coachs aussi, là, au niveau des entraîneurs. Qui est apte à entraîner ça de façon avec qualité, tout ça. Donc... on va suivre, mais on va regarder les activités des Dragons pour toute la saison. Philippe? Oui? Au niveau baseball? Au niveau baseball, les Capitals de Québec qui sont à une victoire de remporter la série contre les Colonials de Pittsfield. Donc, à c'est une où, victoire Pittsfield? Du championnat. Ça doit être quelque part entre ici et là-bas. Près de Pittsburgh, peut-être? Non. Pure subjection. Non, mais Pittsfield, je pense que c'est un... Massachusetts. Oh, ouais. Tabarouette, ta connexion est plus rapide que la mienne. Eh oui! Merci beaucoup. C'est un nouveau club de cette année. Ça valait la peine de payer un Dell. Écoute, Pittsfield, c'est la plus grosse ville dans le comté de Berkshire. C'est très drôle. Ouais. À partir de c'est là, une nouvelle équipe de cette année. C'est une équipe. Ils ont remplacé, je me rappelle plus quel club. Les Tornadoes de je sais pas trop où. OK. Non, mais dans les Canam, on s'entend que la solidité beaucoup. Des équipes, c'est pas ce que... Ouais, je vais vous situer Pittsfield un peu. C'est totalement à l'ouest du Massachusetts. Donc, tu sais, on le sait, le Massachusetts, c'est un genre de triangle avec un appendice en bas, là. Un peu comme les États-Unis, quand on y pense. Donc, c'est totalement à l'ouest, collé sur le... Ah, regarde-moi pas de mal. L'État de New York, non? Je sais pas. C'est plus... J'en ai aucune idée. J'ai rien dit. Ma connaissance des États américains ne se limite qu'à connaître leur nom et pas leur emplacement. Ni leur forme et... Ni nom, ni même leur comté et les plus grosses villes de leurs 10 comtés. Oui, mais j'ai... Mais pour en revenir au baseball, le sujet intéressant... Oui, mais j'ai Wikipédia. Ah, t'as Wikipédia, écoute. Vas-y, éclaire notre lanterne. Ah non, mais vas-y. Ah là, bon, parfait. J'avais plus rien d'intéressant. C'est Carl Gélinas qui est au monticule pour le match. Et grosse victoire, ça va sembler drôle, mais de 1-0 dépens des Colonials de Pittsfield. Mais Gélinas qui a fait 12 retraits au bâton. Ouf! Qui a accordé seulement, attends un petit peu que je le vois, je l'ai vu il y a 3 secondes d'écart, 5 coups sûrs. Excellent. 5 coups sûrs, 12 retraits au bâton, signé le blanchissage. Vraiment une performance magnifique. Ça, Gélinas, c'est celui qui avait été pris avec des stéroïdes aux États-Unis, hein, qui s'était fait suspendre un moment donné. C'est une possibilité. Puis il a aussi joué dans la série Québec-Montréal, si je ne me trompe pas. C'est une possibilité. Donc, aussi. C'est quand même jouer d'un bon niveau à deux sports, c'est quand même bien. Là. Ouais. Un athlète complet. Complet. Et puis, ça fait en sorte que les Capitals prennent les devants 2-1 dans la série finale. Donc, à une seule victoire du championnat, ça serait une deuxième année de suite, une troisième en 5 ans. Donc, les Capitals qui revivent un peu. Oui, mais les Capitals ont l'air d'être pas mal l'équipe la plus sérieuse de cette ligue-là. Tu sais, au niveau des organisations, au niveau de ce que ça a de l'air, au niveau des facilités, au niveau, tu sais, c'est eux qui ont l'air d'avoir Mais quand t'es capable de tirer un gars comme gagné dans tes rangs, oui, ok, ouais, il vient de Québec, mais ça reste que. Ouais, on s'entend. T'as quand même été capable d'aller le chercher. Il aurait peut-être joué à Pittsfield, sinon, là, si ça aurait été un gars de Pittsfield. Effectivement, quand tu parles de même, t'es tellement intelligent. Mais non, en effet, non, les Capitals ont l'air d'être l'équipe de l'heure, du moins dans la Ligue Can-Am. Je vais vous situer Pittsfield, pour être précis, c'est à peu près à 35 minutes de Albany. Ouais. Merci. Google Maps. Ben ouais. Hey, Pierre-Luc, tu nous parles du Challenge Bell? Oui, je vous parle du Challenge Bell parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Donc, c'est les quarts de finale qui débutent ce soir, cet après-midi, dans le fond, au Challenge Bell à Québec. C'est du côté de l'Université Laval. Malheureusement, ça sera pour une autre année. On a failli avoir un quart de finale entre deux Québécoises, mais malheureusement, Stéphanie Dubois s'est inclinée hier face à Alexa Glatch par la marque de 7-5 et 6-2. Et de son côté, Valérie Tétrault s'est inclinée aussi par la marque de 6-4 et 6-3 contre Christina McHale. Donc, non, on n'aura pas un match disputé entre deux Québécoises dans le tableau principal du Challenge Bell. Ça va prendre probablement plusieurs années avant qu'on puisse avoir la chance d'avoir deux Québécoises, une contre l'autre, en quart de finale. Mais quand même, on vous parle, donc, Rebecca Marino qui va affronter Bethany Matek Sands. Rebecca Marino, c'est elle qui a battu la première favorite du tournoi, Marion Bartoli. Par 6-3 et 6-1. Ouais, c'est ça, elle l'a vraiment planté. Bah ouais, c'est déclassé carrément. Donc, je pense que Rebecca Marino, pour l'instant, là, est probablement une l'athlète Cendrillon du Challenge Bell. Du Challenge Bell, carrément. Seulement la troisième favorite du tournoi est encore en liste. C'est Lucie Safarova. Elle affrontera Mélanie Houdin. Ça, c'est aujourd'hui, toujours au Challenge Bell. Donc, Alexa Glatch affrontera Christina McHale, les deux personnes qui ont battu nos Québécoises. Et Sophia Arvidsson affrontera Tamira Pacek. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Moi, je veux vous parler de deux équipes de la région qui ont fait quand même très bien cet été et qu'on n'a pas beaucoup parlé. Vas-y. En fait, les Aigles de Trois-Rivières au baseball sont rendus tout près du... Comme l'an passé. On visait justement un championnat canadien. La dernière fois, c'était en 84. Donc, non, vous n'étiez pas né. Oui. Ah oui, t'étais né. J'étais si vieux que ça. J'étais un 84. Ah ben, j'étais un octobre 84. Ok, t'étais un late. Non, moi, je naissais juste après 85. Et donc, félicitations aux Aigles qui sont rendus si loin. Également, les Éclairs de Shawinigan à la crosse. Oh oui! Donc, qui sont rendus également en finale, qui sont inclinés en finale, mais qui ont fait une très belle saison et qui ont un peu rattaché les gens à ce sport. Qui est excellent. Et le sport national officiel de ce grand pays qu'est le Canada. Il faut dire que quand ça a été décidé, ça, le hockey n'existait pas encore. Non, effectivement. On s'entend que le hockey, c'est la version sur patin, exactement, de la crosse. C'est là. Tout à fait ça. C'est comme une suite d'idées. C'est une suite logique. Donc, c'est ça. Allez, je te remercie beaucoup. On va aller à une pause. On va aller à une petite pause. Au retour, on va avoir du Weezer directement de leur nouveau CD. Ensuite, Pierre-Luc, tu nous parles du hockey junior, tout ce qui s'est passé dans les activités de la Q. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. C'est fou 89.1. La radio de la scène émergente. 89.1. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Mandal, vous écoutez une conduite de partie sur C'est fou. Tradition. Et c'était Weezer avec la chanson I Want Your Sex, c'est ça? La chanson Where's My Sex? Ça vient directement du nouvel album de Weezer qui est en. En tout cas, on vient d'avoir, là, dans le fond, là, dans mes mains présentement. Là, il y a un beau barbu dessus, vraiment, il est joli. Bon, on aurait besoin de la technicienne. Henri, c'est qu'on a une fenêtre dans le studio et Philippe fait tout ce qui est à son possible pour ouvrir les rideaux, que ça, on voit les visages des gens qui passent. Philippe vient de se battre avec le radio. Il a failli appeler l'assistante. Je suis de retour. De retour. Pierre-Luc? Oui. Hockey junior, qu'est-ce qui se passe dans le hockey junior? Ben, la semaine dernière, dans le fond, c'était la fin de semaine dernière, c'était le début des activités dans la ligue. Donc, les Cataractes de Shawinigan qui débutaient leur saison du côté de l'Auditorium de Verdun face aux Juniors de Montréal. Grosse commande. C'est probablement une des grosses équipes cette saison-là à battre. Donc, mais c'est certain que les clubs, pour l'instant, sont pas encore tout à fait complets. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis au camp d'entraînement pour la Ligue nationale. Il y a des gars qui pensent plus à leur cabro qu'à... C'est certain. Ouais, donc, on affrontait aussi la grande vedette Louis Leblanc, qui en était à son premier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et Louis Leblanc a seulement eu une passe dans le match. Donc, ça n'a pas été sa meilleure partie. Donc, les Cataractes de Shawinigan... Il y a quand même une passe. Ouais, il y a 70 points par année. Une passe d'un but. C'est sûr. Mais Louis Leblanc n'a quand même pas été capable de faire gagner son équipe face aux Cataractes de Shawinigan, alors que les Cataractes l'ont emporté par la marque de 5-4. Donc, tout d'abord, en première période, David Rose vient donner l'avance 1-0 pour le junior de Montréal. Mais les Cataractes sont venus avec 2 buts d'affilée, Yannick Veilleux et Joe Dubé, chacun pour porter la marque à 2-1. Ensuite, deuxième période, c'est là que ça s'est corsé un peu pour le junior de Montréal, alors que les Cataractes ont commencé la deuxième période avec 3 buts d'affilée. Samuel Odod, Tommy Tremblay et Raphaël Pouliot ont chacun déjoué le gardien Étienne Marcoux. Donc, c'était 5-1 à la marque pour les Cataractes. Finalement, le junior de Montréal ont enfilé 3 buts d'affilée par eux autres aussi par la suite. Ça s'est corsé beaucoup, donc ça s'est terminé par la marque de 5-4. Ouais, c'était serré quand même. Ouais. On voit que Junior a une force de frappe quand il se met à jouer au début de la game. Oui, ça c'est clair. Samuel Akin, Francis Maillard et Xavier Ouellet sont les buteurs du côté du Junior de Montréal. Charles-Olivier Roussel aussi jouait contre son ancienne équipe. Lui a amassé une passe aussi sur le but de Francis Maillard. Donc, première victoire là, des Cataractes. Ça commence très bien la saison pour les Cataractes. C'était Gabriel Girard qui était devant les buts pour les Cats. Lui qui a quand même eu 32 arrêts. Aurait peut-être même mérité là, une étoile dans ce match. Mais c'est Michael Bournival qui a été la première étoile du match. Lui qui a eu une passe. Donc non, vous avez raison les boys, c'est pas avec une passe que tu fais un mauvais match. Non. Il a quand même été la première étoile du match. Mais des fois, ça veut rien dire. On se transporte maintenant dimanche du côté de Baie-Comeau. À Baie-Comeau, ça a été un petit peu plus difficile pour les Cataractes. Ont été défaits par la marque de 3-1. Donc, en première période, le Drakkar ont pris l'avance 1-0 sur le but de Raphaël Bussière, assisté par un ancien joueur des Cataractes, Pierrick Martel. Donc, tout ça en avantage numérique. Ensuite, les Cataractes sont venus niveler la marque 1-1 sur un but de Tommy Tremblay, assisté de Nicolas Larocque-Marcoux et de Plante. J'ai pas son prénom avec moi. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, deux autres buts. Moi, tout, j'ai un blanc, là. Je comprends pas. Troisième période, le Drakkar ont enfilé 2 buts d'affilée, donc pour porter la marque 3-1 pour le Drakkar. C'est sur des buts de Marc-Olivier Mimard et de Raphaël Bussière, encore une fois. Donc, victoire de 3-1 du Drakkar de Baie-Comeau. Pierrick Martel a quand même accumulé 3 passes dans la victoire des siens. Pierrick Martel, on sait, jouait pour les Cataractes l'an dernier. Donc, on a fait voir de toutes les couleurs à ses anciens coéquipiers pendant ce match. En début de match aussi, on a fait le retrait du chandail de Maxime Fortunus du Drakkar de Baie-Comeau, le numéro 18. Donc, qui a été hissé dans le centre Henri-Léonard de Baie-Comeau. Donc c'est ça. Donc victoire du Drakkar 3-1. Donc les Cataractes qui terminent la fin de semaine avec une fiche de 1 victoire, 1 défaite Enfin, on jouera notre premier match inaugural à la maison. C'est ce vendredi, c'est ce soir, face aux Foreurs de Val-d'Or. Et demain soir, on recevra les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, Jean-François Plante. Jean-François Plante. Et voilà. J'avais le blanc, moi. Voilà. Donc, c'est ça. Pierrick Martel, 3 points dans la chose. Et Raphaël Bussard, 2 buts. On passe du côté maintenant de Victoriaville. Donc, les Tigres de Victoriaville, eux aussi, qui débutaient leur saison du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, tout d'abord, ils affrontaient les Foreurs de Val-d'Or. Ils l'ont emporté par la marque de 4-3. Yannick Gourde, Pierre-Luc Pelletier, Philippe-Michaël DeVos et Vincent Marcoux sont les buteurs du côté des Tigres de Victoriaville. Philippe-Michaël DeVos, qui a d'ailleurs eu un but, une passe dans la victoire, a été la première étoile du match. DeVos, penses-tu qu'il va passer la saison Victo? Il va sûrement bouger au temps des fêtes, comme 20 ans. Peut-être, je pense que oui. Mais normalement, je pense qu'il y a des clubs comme le Junior de Montréal ou des choses comme ça qui vont probablement avoir besoin de ce type de joueur. Mais encore là, je pense que ça va très bien là, du côté des Tigres. On pourrait peut-être avoir une surprise. Là, ouais, c'est le début de la saison aussi. Là, on s'entend que... Ouais, ouais. Antonio Mastropietro a été le gardien désigné du côté des Tigres de Victoriaville, lui qui a accumulé 25 arrêts. Le lendemain, on était du côté de Rouyn-Noranda, et encore une fois, les Tigres de Victoriaville qui l'ont emporté facilement par la marque de 6-3. Donc, du côté Guillaume Goulet, 3 buts dans la victoire, 3 buts. Ensuite de ça, Philippe Maillet, 1 but. Yannick Gourde et Frédéric Tanguay ont chacun été les buteurs du côté des Tigres de Victoriaville. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit, la grande vedette du match, c'est M. Goulet avec 3 buts. Et Philippe-Michaël DeVos, encore une fois, 3 passes dans la victoire. Donc, ça va très bien du côté des Tigres de Victoriaville. On se transporte du côté de Drummondville, où les Voltigeurs débutaient leur saison eux aussi. Ils commençaient tout d'abord vendredi face aux Olympiques de Gatineau, l'ont emporté par la marque de 2-1. Et Sean Couturier, qui a été la première étoile du match, donc déjà à son premier match de la saison, il se fait déjà remarquer beaucoup. Lui qui a le seul but des Voltigeurs de Drummondville. Et il a aussi déjoué Maxime Clermont lors de la fusillade. Pour donner la victoire aux Voltigeurs par la marque de 2-1. Les gardiens de but ont été excellents dans ce match. Maxime Clermont, 30 arrêts dans le match. Et du côté de Guillaume Nadeau, 21 arrêts. Ça a été 2 étoiles du match d'ailleurs dans le match. Maintenant, on se transporte dimanche, toujours du côté de Drummondville. On recevait la visite des Saguenayens de Chicoutimi. Les Voltigeurs qui l'ont apporté facilement par la marque de 5-2. Jonathan Brunel, Sean Couturier avec un but, une passe, Julien Tremblay, André Bouvet-Morissette et Simon Tardif-Richard sont les buteurs. André Bouvet-Morissette, tu devrais entendre ça encore quelques fois cette année, Nicolas. Ah oui? Je crois que ça pourrait être c'est une excellente recrue là, pour les Voltigeurs de Drummondville. Un joueur de 16 ans? Un joueur de 16 ou 17 ans. Okay. Faudra aller vérifier. Mais je pense qu'il y a de l'avenir dans ce jeune hockeyeur. Donc, victoire, donc comme je l'ai dit, plutôt de 5-2 des Voltigeurs de Drummondville. Robin Gus, 28 arrêts dans le match. Donc, si Gus n'aurait pas été là, ça aurait été très, très différent. Donc, ça en est tout, les Voltigeurs de Drummondville, dans le fond, qui eux aussi ont 2 victoires pendant la fin de semaine. Débuteront leur saison régulière la semaine prochaine seulement. Donc, maintenant, on parle... Ben, je vais parler, Voltigeur, j'ai une bonne nouvelle à leur sujet. On sait que pendant le hockey était diffusé à TV Cogeco pour les gens de... Honnêtement, pour les gens de Drummondville et dans ma région, Saint-Hyacinthe. Ça avait été arrêté. Est-ce que TELUS ont les droits de diffusion sur la Ligue, c'est-à-dire sur Internet, tu payes un certain montant, tu as droit à tant de matchs ou à tous les matchs, peu importe. Ça me dit qu'il y a eu une entente entre les deux équipes. Entre TV Cogeco, la Ligue de hockey junior majeur et TELUS. Finalement, ça va être le retour des matchs de Drummondville. 4 matchs vont être diffusés du Centre Marcel Dionne sur TV Cogeco. On parle des matchs du 26 novembre contre les Tigres, du 10 décembre contre... Trois matchs contre les Tigres le 26 novembre, le 10 décembre, le 18 février, contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Le 18, ah, c'est tout croche. Et les Maniacs de Lewiston, le vendredi 25 février. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir voir. Parce que Drummond, avec 3000 places, c'est pas beaucoup. Il y a des matchs que c'est plein. Là, contre Victo, là. Ouais. Victo Drummond, c'est quand même un à côté de l'autre. Là, donc, Vous souvenez-vous, il y a une couple d'années, on avait eu une finale Victo contre Shawi. Ouais. Ah non, plus que ça. Ben, okay, en fait, on a peut-être une il y a deux ans, mais je me souviens, on était au secondaire. Puis, ça, c'était excellent. Victo Shawi, ça remplissait à toutes les fois. À l'époque. Je me souviens, moi, j'étais au Mont-Bénil. Puis on avait évidemment beaucoup de monde qui venait de Shawi, qui était pensionnaire. Puis Arthabaska venait de fermer un an ou deux avant. Puis on avait reçu tous les gars de Victo en pensionnat aussi. Ça faisait des soirées mémorables. On allait d'une game à l'autre. En voyage organisé, c'était magique. C'est une belle rivalité là, entre les Cataractes. Mais c'est depuis ce temps-là, je pense que la rivalité a augmenté. Probablement. Ouais. L'époque, ça, c'est l'époque de Danny Grou, puis Carl Mallette à Victo. Ouais. Dans le fond, Victoriaville s'était rendu à Cooper Memorial cette année-là. Ouais. Il l'avait remporté. Je sais pas. Non, l'avait pas remporté. Non? Non. Non, t'as raison, t'as totalement raison. Il avait perdu en finale, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'était mon premier contact avec le junior majeur depuis, genre, le Titan de Laval. Oh! Fait que non, quand même, il y a eu un décalage entre les deux. Les frères Morissette. Quel décalage, ouais. On parle aussi de la Coupe Mémoriale, Nicolas. Vas-y. Une grande annonce a été faite hier. Donc, la Coupe Mémoriale 2012, on le sait, va être faite dans sol québécois. On peut pas dire en sol québécois parce qu'on a quand même les Maritimes aussi. Mais quand même, c'est du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec que la Coupe Mémoriale sera présentée en 2012. Donc, quatre équipes se sont présentées là, pour dans le fond, avoir la Coupe Mémoriale à la maison. Et on parle, bien sûr, des Cataractes de Shawinigan. C'est aussi avec la construction de leur nouvel amphithéâtre. On avait comme but d'amener la Coupe Mémoriale à Shawinigan. Je pense que Shawinigan est probablement dans les top 2 là, pour avoir la Coupe Mémoriale à la maison. Les autres clubs qui ont fait leur nomination, les Screaming Eagles du Cap-Breton, les Moussettes de Halifax et les Sea Dogs de Saint-John. C'est sûr que du côté de Halifax et Saint-John, on a quand même une aréna beaucoup plus avec beaucoup plus de sièges. Mais quand même, je pense que Shawinigan pourrait mériter là, cette Coupe Mémoriale. Ça sera pas facile. Non, ça sera pas facile. Ça sera pas facile parce que, en effet, si tu me dis Halifax. Halifax, ils l'ont déjà eu, par exemple. Oui, ils l'ont eu début des années 2000. En 2000, à l'époque de Ramzi Abid. Non, en 1996, je dirais, ou 94. Non, plus tard que ça. Je pense que c'est 2000. Ramzi Abid. C'est avant Québec. Donc, Québec ont gagné la Coupe Mémoriale en 2000. Donc, on l'a gagné à Moncton. Donc, c'était pas Halifax. C'est pour ça que j'ai dit des miches, mais je me suis... En tout cas. Mais, peu importe. Mais, tu sais, c'est au niveau revenu, un gros aréna dans une grosse ville comme Halifax, c'est sûr que ça pogne un petit peu plus que Shawinigan en haut de la 55. Mm. Ça l'attire plus. Au moins, les installations sont bonnes à Shawinigan au niveau aréna, mais au niveau hôtelier... Au niveau tout accueilli. Ça serait du côté de Trois-Rivières qu'il faudrait se tourner. Ben, et encore, on s'entend que même pendant. Ben, quoi que le Grand Prix attire quand même plus de monde probablement que la Coupe Memorial, mais ça reste difficile à prévoir qu'est-ce qui va. Non, je pense que Halifax, St. John's partait avec une longueur d'avance, surtout que la dernière Coupe Memorial était au Québec. On parle d'un système d'alternance qui n'est pas officiel, mais qui est. Qui est là quand même. C'est de valeur quand même pour les Cataractes parce que la chance qui va s'offrir à eux là, reviendra peut-être pas d'ici. Ah, ben écoute, je pense que les Cataractes vont viser la Ligue cette année-là là, d'aller chercher le championnat de la Coupe du Président pour y aller. Parce qu'on prévoit avoir une grosse équipe en 2012 pour les Cataractes. Ouais. Donc, si tout se réalise comme ça devrait, Gabriel Girard devrait être encore là. On a une couple de jeunes qui devraient être encore là aussi. Ça va être intéressant à voir, mais disons qu'on part avec une prise du côté de Shawinigan, si tu veux mon avis. Ben moi, je pense que du côté de Cap-Breton, je ne crois pas qu'ils pourraient avoir la coupe à la maison. Par contre, Halifax et Saint-John, comme tu l'as dit plus tôt, là, je pense qu'ils ont de très, très fortes chances de l'obtenir, malheureusement pour nos Cataractes. Donc, c'est ce qui conclut les nouvelles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour cette semaine. Ben, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. On va aller à une pause. Au retour, Philippe, tu vas nous parler soccer? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ben, c'est bon. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de nul autre que la radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1.

Enfants spéciaux, radio. Enfants spéciaux. Vous êtes avec moi-même, Nicolas Ducharme, derrière le micro numéro 1, à l'arrière du micro numéro 2, Pierre-Luc Giroux, et au micro numéro 5. Complètement à l'autre bout. Complètement à l'autre bout, dans l'autre pièce. Ah, notre studio aussi grand. Monsieur Philippe Doucet Wallace, de son prénom. Eh oui. De son surnom, plutôt. Ouais, ben écoute. J'ai rendu tellement mêlé que tout ça que même moi, je sais plus quoi mettre. T'as fait modifier tes cartes. Eh ouais. Phil, parle-moi donc un peu de foot. Ben, je vais te parler très certainement de foot. Et on va commencer ça avec la Ligue des champions qui débutait son calendrier la semaine dernière. Le 14, c'était mardi. Mardi. Ouais. On est le 17, vendredi. Ouais, j'ai jamais été très fort en mathématiques. Moi non plus. C'est pour ça qu'on est en communication. Exactement. On n'a pas compté. C'est ça. Donc, mardi, Twente qui affrontait Internacional. Donc, Twente qui est un club des Pays-Bas et l'Internacional qui est un club de Milan, donc de l'Italie. Match nul 2-2. Et combien de clubs à Milan? Trois. Deux ou trois. Il y en a au moins deux. Puis là, si tu me dis l'International et de Milan, il y en a trois. Il y a l'International de Milan. Il y a l'AC Milan. Ouais, je viens d'allumer, excusez. Et puis, c'est ça. C'est parce que c'était juste le premier gars qui me dit « J'ai un chandail de l'Inter de Milan. » C'est très bizarre ce que tu veux dire. Ouais, non, mais j'ai pas compris que... Tout ça pour un Zional, hein, quand même. Tout ça te mêle. Ça te mêle complètement. Fait que Twente contre International, donc Pays-Bas contre Italie, en fait, les clubs respectifs, 2-2. Ensuite, Bremen qui affronterait Tottenham. Bremen qui est un club allemand, donc également match nul de 2-2. Lyon contre Schalke. Lyon en France contre Schalke, un autre club allemand. Lyon a remporté 1-0. Benfica, un club du Portugal, affrontait Tel Aviv de l'Israël, victoire de Benfica 2-0. Man U contre les Rangers, Rangers, un club écossais, un club de Glasgow. Donc Manchester United qui subit la défaite morale, en fait. Mais oui, nul. 0-0, nul de 0-0. Vraiment, c'était beau à voir au niveau des supporters des Rangers qui étaient complètement en liesse. Difficulté. Ça représente quoi, là, présentement, des défaites comme ça? En fait, ce que ça représente, c'est que... Parce que là, on est en phase de groupe. Oui. Ce qui est important, en fait, avec cette nulle-là de Manchester United contre les Rangers, c'est que les Rangers ont vraiment gagné un point, alors que les Man U en a perdu deux. Ouais, c'est ça. C'est ça qui va faire la différence, probablement, à la fin. Mais... comme c'est seulement le premier match, il reste encore bien des choses à voir. Parce que dans son groupe, là, il y a Valence qui sont avec eux. Effectivement, autres. Et Valence qui a remporté contre Bursaspor. Valence a remporté 4-0. Valence qui est un club espagnol, Bursaspor un club turc. Donc Valence se place en tête de ce groupe contre Manchester United et Rangers qui vont être à égalité à un point et Bursaspor qui devrait de toute façon finir en dernière place. Ensuite, Barcelone affrontait le Panathinaikos. J'adore dire Panathinaikos. C'est d'ailleurs une des équipes qui m'a fait accrocher au soccer la première fois que j'ai entendu ce nom. Donc, Barcelone c'est qui ça. A... Toi, qui c'est a... ça, là. Moi c'est les exploits de Paolo Ciccarelli dans les buts de l'Impact en 94. Toi, mm-hmm. Panathinaikos. Panathinaikos. Ouais, un club grec qui a jamais remporté la... J'espère que c'est un club grec, sérieusement. Mais un club grec qui a jamais remporté la Ligue des champions, mais qui est là quand même souvent. Ouais, hein? Qui représente bien cette... C'est quoi les règlements pour se classer à la Coupe des champions? En fait, c'est dépendamment de la Ligue dans laquelle tu évolues. Exemple, la Premiership anglaise ou la Ligue Orange en France. C'est de remporter, selon le nombre de possibilités de la grosseur de ton équipe, de finir premier, deuxième, troisième, quatrième. Selon le nombre de places disponibles pour la Ligue dans ce pays-là. Donc, c'est un peu... Comme ici, dans le fond, les équipes canadiennes ont un spot, je peux dire un trou à la Ligue des champions, tandis que les équipes américaines dans la MLS, tu vas avoir 3-4 équipes en Ligue des champions. Exactement. Merci. C'est très, très, très, très bien... résumé, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est dépendamment du calibre de la ligue du pays qui ensuite envoie plusieurs équipes. En fait, l'équipe qui va finir quatrième dans la première chip anglaise va assurément, ou en tout cas surprenamment, si c'est pas le cas, va être meilleure que la première équipe de la Grèce. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais Barcelone, qui remporte 5-1 contre le Panathinaikos et deux buts de Marvelous Messi... qui est allé encore une fois, qui est encore allé nous prouver qu'il était vraiment le meilleur joueur de sa génération. Un joueur que j'aime beaucoup voir, mais qui est un peu comme Sidney Crosby, tu sais, un joueur qui a une face à facette dedans. Là. Ok, c'est ça, je m'en dis, il est laid. Genre. Ouais, non, ben, il est pas qu'il est laid, mais tu sais, il a tant envie de le tapocher. Fait que c'est un peu comme ça, mais il est excellent, il est beau à voir aller. Dernier match de mardi dernier, Copenhague, je sais pas si je prononce comme il faut, c'est un club danois. Danois. Donc, en fait, on pogne-tu au Danemark? Non. Doit pas, hein, donc, non. On va y aller pour Copenhague. Mais tu sais, avec Internet maintenant, Philippe. Ah, tout est possible. Tout est possible. On a des gens qui nous écoutent au Danemark ou en Côte d'Ivoire. Qui a battu Copenhague, qui a battu 1-0 le Rubin Kazan, qui est un club russe. Ensuite, ça se poursuivait mercredi avec l'OM qui a perdu contre le Spartak de Moscou. L'OM qui commençait avec une certaine difficulté, mais il faut dire que le Spartak de Moscou qui n'est pas plus nécessairement la pire équipe, là, c'est quand même. Une bonne équipe. Oui. C'est vraiment une bonne équipe. Ensuite, on avait le Bayern de Munich qui a battu l'AS Roma 2-0. Le CFR Cluj, qui est un club roumain, qui avait affronté Basel, un club suisse. Cluj a gagné 2-1. Ensuite, Žilina s'est fait démolir par Chelsea. Grosse surprise. Žilina, qui est un club slovaque. Ensuite, Real Madrid 2-0 contre le Ajax d'Amsterdam. Gros début pour Higuain avec le Real Madrid. Ensuite, l'AC Milan qui battait Auxerre 2-0. Deux magnifiques buts de Zlatan Ibrahimovic sur des passes de Ronaldinho qui étaient magistrales. Ouais, vraiment, ouais. Deux très très beaux buts. Ensuite, Arsenal a détruit Braga 6-0. Braga qui est une équipe du Portugal. Au niveau de l'Arsenal, deux buts de Fabregas et deux buts de Vela. Ensuite, dernier match dans cette Ligue des champions. Shakhtar Donetsk qui battait 1-0 le Partizan, qui sont respectivement des clubs ukrainiens et serbes. Au niveau du classement, dans le groupe A, tout le monde est à égalité dû aux deux nuls. Dans le groupe B, c'est Benfica et Lyon qui sont en tête avec leur victoire. Dans le groupe C, Valence seul en tête justement avec 3 points. Manchester United, comme on en parlait tantôt, qui aurait dû se retrouver à égalité avec Valence, mais ce sera pour une autre fois. Groupe D, Barcelone et Copenhague qui sont en tête. Barcelone devrait larguer les autres bientôt, en fait, dès la prochaine semaine. Groupe E, Bayern et Cluj qui sont en tête. Ça devrait être Bayern qui sort de ce groupe-là. Ensuite, groupe F, Chelsea et Moscou sont à égalité en tête. Chelsea aussi devrait s'en sortir assez facilement. Groupe G, gros groupe. En fait, si on était à la Coupe du Monde, on l'appellerait le groupe de la mort. C'est Milan. Tu peux l'appeler le groupe de la mort. Ouais, appelons-le le groupe de la mort. Donc, on a Milan, Real Madrid, Ajax d'Amsterdam et Auxerre qui sont dans ce groupe-là. Pour l'instant, c'est Milan et le Real qui sont en tête. Et dernièrement, le groupe H, Arsenal et Shakhtar Donetsk qui sont en tête avec 3 points chacun. On se transporte en Première Ligue? Oui, vas-y. Donc, transporté en Première Ligue. Attends un peu. Et voilà, je suis arrivé. Tu veux-tu genre un effet spécial pour le transport? Ah non, écoute. Attends un peu. J'ai peut-être mes vieux sauts. Et voilà, on aura dit. Écoute, quel magnifique transport. Du budget. Grosso modo, rapidement, là, en Barclays League, Manchester United, qui a encore fait une nulle 3-3 contre Everton. Au moins, ils ont marqué des buts. C'est déjà ça. Ensuite, Arsenal qui a battu les Wanderers de Bolton 4-1. Si on transporte aussi Manchester City 1-1 contre les Rovers de Blackburn. Chelsea qui remporte 3-1 contre West Ham United. Et Liverpool 0-0 dans son match contre Birmingham. Et Stoke City a battu Aston Villa 2-1. C'est grosso modo ça pour les... Combien de matchs par année dans la Premiership? Dans la première ship, il y a environ une... 39? Pas autant, je pense. Faudrait que j'aille à la source. Écoute, laisse faire. Je te reviendrai avec ça un peu plus tard. Je vais te trouver avant. Dans l'émission. Ben oui, c'est ça. Moi, je vais continuer de checker le classement. Puis toi, vas-y. Va sur Wikipédia. Je te laisse parler. Donc, pour la première ship anglaise, c'est Chelsea qui est en avant avec 12 points après 4 matchs. D'ailleurs, Chelsea qui est à 21 buts après 5 matchs avec cette victoire de 4-1 contre Žilina en Champions League. Donc, pour cette année, les deux ligues confondues, là, j'espère que je ne vous ai pas justement confondu. C'était un... Arrête. Arrête. OK, merci. Donc, les Bleus... Tu te fais mal, Phil. Les Bleus... Tu te fais mal. Les Bleus qui ont marqué 142 buts l'année passée, toutes compétitions confondues, dont 103 en Première Ligue. Donc, cette année devrait toucher un peu à leur... À leur marque de l'année dernière. Et Florent Malouda qui a déclaré que ce qui fait le succès de Chelsea, c'est que tout le monde peut marquer de n'importe où. Donc, en effet, le Chelsea, encore une fois, cette année, qui devrait ramasser un peu tout sur son passage. Les prochains matchs, la semaine prochaine, Manchester United contre Liverpool, ça va être un gros match. Manchester United qui est présentement là... au troisième rang de la Barclay League avec 8 points contre Liverpool qui est à peu près au milieu avec 5. Wigan affronte Manchester City et Chelsea affronte Blackpool. Donc voilà pour la Barclay League. C'est également cette semaine à RDS pour la Barclay League. C'est Stoke City contre West Ham United qui va être présenté. Donc demain dès 7h30. Donc comme je ne serai pas levé, je vais écouter la reprise à 14h30. Et également en reprise mardi prochain. À 9h30. Je te reviens sur ma question de tantôt. Combien de matchs dans une saison de la Premiership? C'est 38 matchs. Ah, ben quand même. Donc, merci Wikipédia de me donner aussi. Vois-tu, les trois premières équipes de la Premiership ont un accès direct au stage de groupe de la Champions League. Mm-hmm. La quatrième position va aller dans la ronde des playoffs de la Champions League. Pour les 5, 6 et 7 positions, eux vont s'en aller plutôt à la Europa League, qui est comme l'autre tournoi pour les équipes un petit peu moins bonnes, si je ne me fourvoie pas. Donc, c'est beaucoup de choses. Mais donc, en fait, cette année, les trois équipes qui ont terminé en tête de la Champions, de la Barclay League de l'année passée, c'est Tottenham, Manchester United et Chelsea dans cet ordre inverse. Non, c'est-à-dire c'est Chelsea, Manchester United, Arsenal et Tottenham a fait la qualification. Tu as tout à fait raison, donc, effectivement. C'est la différence. Et les trois dernières équipes s'en vont en Coca-Cola Championship, c'est-à-dire qu'ils sont relégués à la deuxième division. C'est ça. Disons-le, en chose qu'on peut comprendre facilement. Nouvelle au niveau de la Champions League, grosse perte pour le AC Milan. Ambrosini, le milieu de terrain, et Pato, que j'ai vu jouer à Montréal, ont été tous les deux blessés. Donc, contre la Ajax d'Amsterdam. Donc, deux grosses pertes. Et également, je ne sais pas si vous avez vu le match entre Manchester United et les Rangers, mais Valencia, en milieu de deuxième demi environ, s'est fracassé la cheville, mais d'une façon assez désagréable. Des images pas super. Ouais. Va être absent également pour un petit bout. Devrait être de retour en février. OK. Yes! C'est un bout, hein? Ouais, c'est une grosse perte. C'est un petit... Ça fait mal. On parle d'impact? Oui, vas-y, en terminant. Grosse nouvelle de l'impact, en fait. Grosse nouvelle, là, c'est quelque chose qui va faire absolument aucune vague. L'impact qui va collaborer au film Starbuck, un film de Ken Scott. Quoi? Dans lequel va jouer Patrick Huard. En fait, je vous dis un peu le scénario. Et c'est le scénario qui a convaincu Richard Legendre, le vice-président exécutif de l'impact, de participer au film. Alors, grosso modo, le scénario, c'est que ça met en vedette Patrick Huard dans la peau du personnage David Wozniak, un éternel adolescent de 42 ans qui décide éventuellement de faire les efforts nécessaires pour réussir sa vie et qu'il apprend qu'il est le géniteur de, on est bien attaché, tout le monde, 533 enfants. Donc, de là le but du titre du film Starbuck. Donc, probablement un film qui va marquer les annales. Ensuite, pour revenir à l'impact, le vrai, va affronter dès demain. Non, pas demain, dimanche. Les Roadies de Tampa Bay, qui sont les derniers de la conférence de l'USL. Donc, l'impact qui a échappé le match contre Miami la semaine dernière, dont je vous disais que ça devait être un walk in the park. Donc, ne vous fiez plus à moi la prochaine fois que je vous parle de ça. Et donc, on espère là, que l'impact va gagner contre l'autre équipe de dernière position. Parce qu'on ne peut plus échapper beaucoup de matchs là, de la part on de l'impact. On ne peut plus échapper beaucoup de matchs. Écoute, il en reste trois. Il reste contre les Roadies et ensuite, il va rester contre les Whitecaps et contre l'Aztec de Austin. Donc, Austin avec 50 points. C'est une bonne équipe, Austin. Qui est au deuxième rang total de la Ligue et Vancouver qui est au troisième rang total de la Ligue. Donc, ça nous prend absolument cette victoire-là contre Tampa Bay. pour se hisser premièrement en sixième position, parce que pour l'instant, Montréal est septième derrière Puerto Rico, Caroline, Portland, Vancouver, Austin et Rochester. Autant que ça avait été une belle victoire contre Puerto Rico, autant que contre Miami, ça a été la débandade. L'Impact qui devrait quand même faire les séries parce que, bon, tout juste derrière eux, avec le même nombre de points, mais un match de plus de joué, c'est Minnesota, mais par la suite, ça se gâte un peu. Là, c'est Tampa Bay qui est justement derrière avec 5 points d'écart. Donc, une grosse victoire pour l'Impact les assurait probablement d'une place en série ou du moins éloignerait énormément les Roadies. Donc, ça prend cette victoire pour l'Impact. C'est bon. Ben, je te remercie beaucoup, Phil. Ça me fait plaisir. On s'en va en musique. On va aller écouter Extérieur avec la chanson Le Seigneur des Anneaux. Au retour, JP Grenier nous parle de football, l'autre football. Vous écoutez l'inconduit de partie sur C'est fou. En série, 7 moutons, 8 moutons, 9 moutons, un compteur qui la plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, et je vous suspends tout. Va écouter l'hymne national! L'inconduite de partie. C'était Extérieur avec Le Seigneur des Anneaux, une chanson qui ramasse un peu le matin. On s'en va maintenant au téléphone avec JP, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les gars? Eh oui, ça va très bien. All right. JP Grenier, originaire de Sherbrooke, avais-tu une pratique ce matin? Non, on avait une hier soir. Ooh. Donc, ce matin, au repos, avec raison, puisque on a eu un gros match mercredi soir. Raconte-moi ça. Ben, dans le fond, là, chaque mercredi soir, il y a la Ligue U23, c'est-à-dire l'équipe B de l'université. On joue contre tout le temps les trois mêmes clubs, c'est-à-dire le Collège Champlain, les Blues, l'équipe du Cégep de Sherbrooke, les Verts, ainsi que l'équipe B des Gators de Bishop. Attends une minute, ça c'est une deuxième ligue à part votre ligue ou? Exactement, t'as le A qui est comme toutes les grosses universités, Concordia, McGill, nous, Laval, ok. Puis Bishop, puis t'as l'équipe B qui est une ligue de développement si on veut, là. Étant donné que nous on a gros des joueurs, même chose pour Bishop, puis au niveau collégial, t'as le Cégep de Sherbrooke, puis le Collège Champlain et la Knoxville qui ont quand même gros des joueurs, ça fait une petite ligue. Puis c'est de l'excellent calibre, là. C'est sûr que c'est pas la grosse ligue, sauf que ça frappe en masse. C'est bon à savoir. Je t'ai magané hier. Ben écoute, c'est du rugby, hein. C'est rare que tu sors pas magané, hein. Exact. Hey, JP, parle-nous d'un autre sport qui magane, le foot. Ouais, le football québécois universitaire. Écoute, je vais faire un petit une petite récapitulation de des matchs de la semaine passée. Je vais faire aussi les previews de cette semaine. Ben vas-y, vas-y. Donc, pour commencer, il y avait trois matchs à l'affiche la semaine passée. Tout d'abord, les Carabins l'ont emporté 29-8 contre les Stingers à Concordia. Marc Santerre, son équipe, a bien répondu. Les Stingers, on sait que c'est une de leurs bêtes noires avec Sherbrooke. À tous les années, ils ont de la misère. Par contre, pour les hommes de McGrath, ça n'a pas été suffisant. En plus, qu'ils perdent le match à domicile, c'est décevant un peu pour eux. Non, en effet. Sinon, les Gators l'ont emporté 26-19 dans un match très serré contre McGill. Ça a tout pris, hein? Ça a tout pris. Ça a pris en fin de match, là, Jesse Andrews qui a lancé une passe de toucher. Vraiment un match excitant. Dans le fond, malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de touchés, là, ça a été très serré. Deux bonnes défensives. Dans le fond, c'est Quincy Van de Cruz, le joueur de première année d'Ontario, de Bishop, qui a capté la passe. Donc, Bishop qui s'en sort avec la victoire, je suis content pour eux. C'est devant environ 1200 spectateurs à McGill, ce qui est pas, ce qui est loin des Alouettes. Non. Hey, ça doit être vide pareil, là. Ben écoute, nous, on joue à McGill. Ouais. Le rugby contre l'équipe de McGill, c'est au stade Molson. Puis avec 60 partisans dans les estrades, mettons que c'est écho pas mal. C'est sûr qu'on s'attend pas à attirer 15 000 personnes, hein, mais en tout cas... Non, les Alouettes ont de la misère à attirer ça si t'enlèves les billets de compagnie. Exact. Donc, pour terminer, le troisième match qui est à l'affiche la fin de semaine passée, c'était le gros match Rouge et Or contre Vaillard. Sherbrooke ont quand même assez bien joué défensivement. Ils ont tenu pas mal tout le long. Sauf au quatrième quart, là, une poussée de Laval qui a mené vers la victoire, même s'il menait déjà. Là. Sauf qu'on a même pris les devants 3-0 au début du match, ce qui m'impressionne fortement. du pied de William Dion? Oui, exactement. Sauf que l'autre bord, t'as Christopher Milo, qui est pas mal le meilleur de la ligue. Donc, c'est pas une surprise, malgré que les boys de Sherbrooke ont très bien joué. Cette semaine, je faisais mon épicerie. Ouais. Je me demande où tu t'en vas avec ça, là, mais vas-y. Ben ouais, je faisais mon épicerie, puis écoute, j'ai vu le carrière dans le fond de l'équipe, Jean-Philippe Chouari. Il est pas dur à remarquer, là, 6 pieds 5. Moi, je l'avais déjà rencontré auparavant dans un party voyeur, là, mais en tout cas, bref, je suis allé demander. C'est quoi tu veux dire, parce là? On parlait la semaine passée que les GGs étaient 3e au classement national. Puis, on les avait battus 41-0 en match pré-saison. J'ai demandé, écoute, Jean-Philippe, c'est quoi le rapport? Pourquoi on a gagné 41-0 contre eux alors qu'ils sont 3e? Là, j'étais allé voir un matin, ils sont rendus 2e. Alors, je me demandais, puis il m'a dit que, tout simplement, c'est une suite d'événements, là, dans le fond. Il n'y avait pas nécessairement leur grosse équipe. il avait oublié quelques partants, sauf que, tu sais, les matchs pré-saison, c'est comme... Ouais, ça compte pas, hein. C'est jamais un match... Ben, avec un gros plan de match. Gars, les Colts d'Indianapolis, ils en parlaient l'autre fois, ils ont à peu près une fiche de 3 victoires, 12 défaites dans leur dernier match préparatoire. Là. C'est, on s'en fout des matchs préparatoires. C'est du développement, en fait. C'est ça. Mais c'est quand même surprenant, là, 41-0, c'est pas comme ça a fini 25-3. Oui, mais ça dépend c'est qui vous avez habillé, vous autres aussi. Hein? Exact. Donc, il était surpris lui-même. Je sais même pas si lui-même jouait, là, je m'en souviens plus, puis j'ai pas demandé, là. Donc, écoute, j'ai posé la question, puis c'est ce qu'il m'a répondu. Sinon, les matchs à venir, cette semaine, c'est la fameuse semaine où il y a les matchs interprovinciaux. Oui. C'est-à-dire que toutes les équipes du Québec jouent contre les équipes des Maritimes. Donc, par exemple, le Mount Allison et Mount Tees vont jouer ce soir contre le Vaillard à Sherbrooke. T'as le Rouge et Or qui joue contre les Huskies de McMaster. Je me souviens plus, là. Nick, tu peux m'aider là-dessus? Les... Voyons, j'ai un blanc, là. Les McMaster, les... Non, McMaster, tu veux dire St. Mary's, toi? St. Mary's, ouais. T'as les X-Men d'Acadia qui jouent contre les Gators. Puis t'as les X-Men de Saint-François-Xavier Saint-FX. Qui jouent contre les Carabins. Donc, deux équipes avec le même nom, dans la même division, même si ça s'écrit pas pareil, c'est bizarre. Rough Riders et Rough Riders. Exact. C'est de la CFL. Puis, finalement, t'as les Stingers qui jouent contre les Remen, qui est un match régulier à l'horreur. Donc, ça va être à surveiller. Je pensais pas qu'il y ait de surprise cette non. année. Non, peut-être les X-Men de Saint-FX qui vont surprendre les Carabins vu qu'ils jouent à domicile. Mais encore là, je pense que Max Santer va assez bien préparer son équipe cette année. Surtout que ça a l'air d'être une des puissances dans la ligue. Donc, je pense pas qu'il y ait de surprise cette année. Le classement rapidement. Laval qui est premier. T'as les Carabins. Les Gators qui sont troisième avec une victoire, une défaite. Les Stingers qui sont 1-1. Puis Sherbrooke et les Redmen qui sont derniers. Sans surprise, eux qui ont pogné les deux meilleures équipes en partant. Mais qui sont quand même... J'aurais été curieux de voir ce que ça aurait donné les Redmen cette année avec leur carrière, puis avec... Ah, c'est décevant. Il était blessé pour l'année, dans le fond. Là. En effet, ouais. C'est une blessure qui met fin à sa carrière également, vu que c'était sa dernière année. Ah, non, pas de vrai. Hein, c'était pas une recrue? Non. Ah, OK. Ben, j'ai mal compris. Donc, c'est bon, ça. Fait que ça, c'est pas mal ce qui conclut pour ton Canadien? Exact. Vas-y avec le football américain. On a eu une surprise la semaine passée. Virginia Tech qui perd un deuxième match consécutif. On ouais. a perdu leur premier match contre Boise State. Ils viennent de tuer Boise State, eux autres, là. Exact. Donc, Virginia Tech qui perd contre Boise State, qui est une puissance dans la ligue. Puis finalement, perdre contre James Madison, qui est une petite université de deuxième division, là. Juste pour faire une rapide récapitulation de match. C'est Virginia Tech qui a l'avance. Une poussée de fin de match. On fait l'option à 3. C'est-à-dire que les deux, le fullback, le centre arrière et le porteur de ballon s'en vont d'un bord. Le carrière voyant ça s'en va de l'autre bord, réussit le toucher et l'équipe gagne. J'ai pas vu à la télé, j'ai vu les vidéos sur YouTube. C'était incroyable, là. Mais la raison pourquoi que je dis que Virginia Tech vient de tuer Boise State, c'est que Boise State, leur espoir d'aller au championnat national, c'était de battre Virginia Tech et espérer que Virginia Tech ait tout de même une grosse saison pour dire après ça, ben regardez, on a réussi à battre cette équipe-là, on est capable de se mesurer à n'importe quelle équipe. Puis ça, dans les votes de fin de saison, ça vient aider. Mais là, avec ce qui vient d'arriver, oublie ça, là. Oublie ça, là, tout le monde va faire « Ben ouais, mais Virginia Tech, il n'y a rien là, battre ça. » Fait que les Broncos viennent de perdre leur seul match important, dans le fond, de leur saison. C'est comme une défaite morale. Ben, c'est une défaite au niveau des leur... Du BCS. Comme on dirait, de leur street creds, le crédit qu'ils ont eu pour battre... Ouais, ça, les points du BCS, mais le crédit qu'ils ont eu de battre Virginia Tech, ils viennent de le perdre, là. Exact. Donc, c'est plate pour eux. Puis, mais je trouve ça super impressionnant que cette équipe-là batte Virginia Tech, qui est quand même une grosse université en Virginie, là, pour y être allé. C'était une excellente équipe de football. Je sais pas ce qui arrive avec eux. Ils sont 0-2 cette année. Il va falloir qu'ils se replacent. Putain, on leur prédisait quand même une saison très acceptable. Un genre de 2 défaites. Puis 2 défaites, 10 victoires. Ouais, 10-2. Il faudrait qu'ils se remettent en marche. Sinon, il y avait l'excellent match Michigan-Notre-Dame. Ah, c'était bon, hein? Super serré. Très bonne game. En plus, c'est toujours sur réseaux nationaux. Sur NBC, mais oui. Exact. C'était à Notre-Dame. Donc... On sait, les deux équipes s'affrontent année après année. Là. Chacun change. C'est une des grosses rivalités. C'est un classique annuel. Tout le temps excitant. Donc, Notre-Dame qui prend les devants en fin de match grâce à une passe de 95 verges, le record Dane Chris, qui, quelques temps auparavant dans le match, a souffert d'une... Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il a reçu un coup à la tête. Okay. On l'a sorti. On pensait que c'était une commotion cérébrale. Finalement, non. Sauf qu'il voyait pas d'un œil. Ah, c'est... Il est allé jouer pareil. Il a réussi sa passe de 95 verges. Donc, moi, ça m'impressionne. Je sais pas si tu as vu leur allié rapproché, qui est athlétique comme pas un. Puis... Il a couru dans le centre, il a reçu le ballon, puis il n'a jamais été arrêté. Mais là, c'est ça, le Michigan n'ont pas dit leur dernier mot. T'as Denard Robinson, leur nouveau carrière. Wow, hein? Quel athlète. Quel athlète. Encore 200 verges par la course, 200 verges par la passe. Écoute, c'est 800 verges en deux matchs. Il sort de nulle part. T'as Forcier, qui était premier l'an passé, qui a rendu troisième carrière de l'équipe. On sait que Richard Rodriguez, l'entraîneur de Michigan, a fait son succès à West Virginia avec le spread offense, le jeu de l'option. Donc, écoute, on sait qu'il est sur... Sur la sellette. Exact. J'allais dire hot seat, là, mais sur la sellette, merci Nick. Donc, lui, il n'a pas le choix de gagner. Même si c'est pas élégant, lui, il va prendre les victoires. Donc, les Wolverines sont 2-0. Mais écoute, combien de verges j'ai été chercher? Ben, je vais te dire ça dans pas long, là. Écoute, il court plus vite que les porteurs de ballon. Ben là, il me rappelle Michael Vick un peu, là, un bon bras. Version droitier. Mais quand même moins, il est petit, là. En effet. Fait que, regarde, ses statistiques pour le match, 24-40 côté passe, donc c'est pas... on s'entend qu'il n'y a pas les statistiques d'un Peyton Manning collégial. Là. Il n'y aura jamais 70% de... Non, puis c'est ça. C'est pas un carrière de pochette, comme on dit. Exact. 244 verges par la passe. T'sais, ça peut passer un toucher. Mais au sol, en 28 courses, pour un carrière, là, c'est énorme. 258 verges. Fait que t'as des gars qui vont être porteurs de ballon qui toucheront même pas 28 fois dans un match, en plus de récolter environ 130-140 verges un bon porteur de ballon dans la ligue. Lui, il en a 258. Mais il y a 618 en deux matchs. Exact. C'est énorme, là. C'est une moyenne de au-dessus de 300 par match. Est-ce que ça peut être le genre de joueur qui va passer en NFL puis qui va changer de position rendu en NFL ou si... En NFL, d'après moi, il jouerait comme demi-coin. C'est bon. Ouais. Parce qu'il y a exactement la grandeur puis la vitesse pour, là. Puis savoir s'il y a les mains puis la vision du jeu, là. Sauf que, à date, sa vision du jeu est pas mauvaise pendant tout ce que je sache, là. Il a quand même l'allure. Hey, je me suis trompé, c'est 430 verges, par contre, dans sa saison. Pas 430 verges en, écoute... Par la course seulement, oui. Puis si, rapidement, là, si on regarde les trois autres porteurs de ballon de l'équipe, c'est... Il y en a un qui a 7 courses, l'autre 5, l'autre 1, pour un gros total de 31 verges. Donc, écoute, t'as 3 porteurs de ballon qui ont 31 verges, l'autre en a 258. Sauf que faut faire attention, là, les autres équipes vont s'adapter. Puis hier, j'écoutais la télé, on se demandait s'ils vont encore atteindre le cap des 400 verges contre UMass ce week-end. Ben oui, ça devrait être quand même assez simple contre UMass. Là. Ça devrait être assez simple, sauf que... Il y en a plusieurs qui se demandent si Rodriguez va pas le lasser si jamais c'est vraiment là. Question de voir Forcier jouer un peu plus? Non, pas nécessairement, mais pour pas qu'il se blesse. On sait que ces carrières-là courent beaucoup, sont peut-être sujets à plus être blessés. Puis lui, avec ce bijou-là dans les mains, il veut pas le perdre, là, donc. Non, en effet. C'est peut-être. C'est en train de sauver sa job, moi non surtout plus, pas, je dois pas le perdre. Hein? Surtout pas contre UMass, là. Non, c'est ça, là, une équipe ça de. C'est pas sans importance, sauf que s'il mène, par exemple, 31-0, ce serait peut-être une bonne idée de mettre Forcier. Oh, ouais. Exact. Donc, en fait, ça mène les gros matchs. Il n'y a pas de match vraiment, là, où que deux équipes du top 25 s'affrontent, à part Iowa et Arizona. sinon, t'as un autre classique, Notre-Dame-Michigan State. Notre-Dame, va falloir qu'ils se remettent à gagner, sinon ça va aller mal. Puis sinon, t'as Texas contre Texas Tech, que je prédis une victoire. Peut-être, ben, je vais y aller avec Texas Tech. Ils sont pas dans le top 25, sauf qu'ils présentent tellement une bonne attaque que Texas pourrait être surpris. Oh, oh, ben, petite prédiction, ça. De la semaine. Ah, c'est bon, ça. Donc, c'est ce qui complète. Ben, c'est ce qui complète. Donc, c'est bon, on va aller à une pause. Au retour, on va parler de Hockey Québec et de leur façon de faire. Phil en a long à dire, semble-t-il. Donc, on va voir ça. Vous écoutez les conduites de partie sur C'est fou. Pour nous joindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com et sur Internet www.inconduitedepartie.com. On se revoit dans quelques minutes. C'est fou. C'est fou. Visitez le www.cfou.ca. 89. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Won't you tell them for me? It's better. Et c'était Danko Jones avec la chanson Full of Regret, comme il vient de nous crier. Cette chanson apparaît dans le tout dernier NHL 2011, qui est, ma foi, tellement excellent, mais tellement j'ai pas eu de vie cette semaine à cause de ça. Je sais pas pour vous autres, les gars, mais vous jouez un peu, oui. Je suis en deuil d'un PlayStation 3. Oh non, what happened? Ben, en fait, j'avais au préalable obtenu l'autorisation de la ministre des Finances à la maison. Et par la suite, la délicieuse voiture qu'on possédait nous a un peu... Bon, disons les mots comme ils sont. On nous a chié dans les mains. D'accord. Donc, le 300$ préalablement investi sur le PlayStation 3 est allé sur un magnifique Daewoo Lanos 2001 manuel. Donc, je suis en train de brûler une clutch d'une Daewoo Lanos. Et en faisant mon deuil de NHL 2011, God of War 3, Madden et tous ces merveilleux jeux que je ne jouerai pas encore cette année. Il va falloir que tu recommences. Si tu veux exercer tes doigts, il va falloir que tu recommences à faire des massages à ta blonde, des choses oui. comme ça. Là. Non, ben le PlayStation 2, pour l'instant, fait encore T'es tellement en retard. Ah, écoute, je suis tellement 2000. Et moi, j'ai un Xbox 1, c'est pas mieux. Oh! Avec le petit... Il est blanc, hein, le Xbox 1? Non, c'est le 2. Ben non. Non, le 2 est blanc, le premier est noir. Ah ouais? Oh, ouais. Ah oui, il est énorme. Comme Michael Jackson. Ouais, non, comme une grosse boîte noire d'avion. Ouais, c'est vrai, t'as raison, je mélange avec le PlayStation 1 qui, lui, était blanc. T'es avec gris, ses cartes mémoire à Python. Là. Oui, puis Gran Turismo. Bon, trêve de plaisanterie. On va parler, allons-y, écoutez, j'en parlais un peu, on en parlait au début de l'émission. Hockey Québec, bon, il y a un programme ici au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières qui est un peu comme un prep school américain, c'est-à-dire on prend des joueurs un peu partout, on les emmène, ils étudient, ils s'entraînent, ils font tout pour se développer physiquement pour le hockey. Ce programme-là n'a pas été, Hockey Québec qui est vraiment comme, c'est une bande de fonctionnaires, là, disons-le, là, c'est pas des fonctionnaires, c'est pas gouvernemental Hockey Québec, mais c'est tout comme... qui amasse beaucoup d'argent chaque année pour eux-mêmes. Et au niveau de développement de hockey, on voit ce que ça donne là, présentement. Là, s'il y a quelque chose qui va bien au Québec, c'est bien le hockey. Là, on développe beaucoup de joueurs. Hein? Ouais. Pas vraiment. Alors, on peut dire que il y a de l'argent qui est très mal investi, mais c'est un peu comme, bon, disons-le, comme les commissions scolaires, où est-ce que l'argent va pas à la bonne place? Et comme présentement, beaucoup le financement aux athlètes qui passe par 10 000 mains avant de se rendre à la bonne personne. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, le 30 000 $ il en reste 20 000 ou 15 000 parce que tout le monde a tiré sur la couverte avant toi. Donc, Hockey Québec, ce programme-là au séminaire Saint-Joseph, le texte c'est de Martin Leclerc dans ruefrontenac.com qui explique donc comment Hockey Québec a tout fait pour tenter de tuer le programme, disons-le. Ils ont traité d'hors la loi. On dit aux parents qui sont dans le... Bon, aux enfants qui allaient être bannis du hockey l'an prochain. On les expulse de tournois américains. On fait tout pour appeler dans les tournois américains. On leur bloque des glaces. On leur bloque des glaces à Trois-Rivières. Ça s'est rendu devant le conseil municipal ici. On s'entend que le séminaire Saint-Joseph, c'est pas une nouvelle école, puis c'est pas un programme de nono, là. C'est dirigé par Jean-François Brunel, qui est entraîneur, qui est professeur là-bas au séminaire, qui est entraîneur pour les Patriotes, qui est entraîneur pour le séminaire Saint-Joseph et qui se font carrément planter par ce programme-là. Donc, pas par ce programme-là, mais qui se font planter par Hockey Québec. Puis eux sont allés devant Hockey Québec avec leurs informations. Ils voulaient le faire comme de concert avec Hockey Québec. C'est-à-dire, écoutez, aidez-nous, on va essayer de partir ça, on va voir ce que ça va donner. Si ça marche, c'est bon, on va être heureux, puis on va comme donner des trucs à tout le monde, puis... Ce qui est arrivé, c'est pas mal le contraire. C'est-à-dire, c'est qu'Hockey Québec se sont servis de ça. Ils n'ont pas donné de réponse à... toujours selon Martin Leclerc, selon le texte, n'ont pas donné de réponse plus avant 6 semaines. Puis quand ils ont dit, on vous accepte pas, vous défaites votre programme, sinon on vous fait la guerre. Logiquement, écoute, c'est des jeunes... pour la plupart, c'était des jeunes du Bas-Saint-Laurent qui ont déménagé à Trois-Rivières. Selon Hockey Québec, ils disent, les jeunes sont trop jeunes à 14 ans pour aller vivre à d'autres endroits pour jouer au hockey. Ça se fait partout. Ça se fait partout. Va à... Oui, puis on parle pas d'un transfert de 150 joueurs. Là. Non, on parle d'un transfert 15 joueurs. De l'élite. Ouais, l'élite de la région. Mais de toute façon, je veux dire, c'est une base. Tu commences avec ça parce qu'il faut que tu commences en quelque part. Puis après ça, tu vas chercher des joueurs d'un peu partout pour faire ça. Les équipes, c'est une équipe, ça dure 2 ans, cette équipe-là, là, les U14. Mais normalement, comment ça fonctionne dans des programmes de même? Va à Shottock St. Mary's aux États-Unis, qui a produit Sidney Crosby, qui a produit les frères Biega au Québec, puis qui évoluent tous à Harvard maintenant. Donc vraiment, où le hockey est vraiment venu vraiment venu jouer sur leurs études, ça c'est clair. Hein? Donc, il a produit tous ces gars-là et Hockey Québec décide, écoute, moi j'ai l'impression, un moment donné, il y a des coups de pied qui se donnent pas, puis il y a des gens qui sont assis à des positions, puis qui se font pas brasser, puis qui sont donc confortables, puis que tout ce qui est contraire à leur vue refuse ça. Toi, t'as une anecdote là-dessus, Philippe? En fait, c'est pas une anecdote nécessairement sur ça. Mais c'est une anecdote sur la façon dont a évolué peut-être un peu Hockey Québec au cours des dernières années. J'étais au secondaire, comme je l'ai dit tantôt, j'étais pensionnaire à l'école secondaire Mont-Bénil, juste l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Ouais, c'est Bécancour. Okay, Saint-Angèle-de-Laval, pour être plus précis. Mais toi, t'étais un gars de Montréal. J'étais un gars de Saint-Cuthbert, donc Berthierville. Okay, pas en tout, okay, donc, ouais. Non, je suis pas un gars de Montréal, okay, du tout. Et je pense, en secondaire 2, secondaire 3, on a participé. Il y a eu un programme de hockey au Mont-Bénin. Et on n'a pas été reconnu par Hockey Québec. Il a donc fallu être une équipe en essai, en rodage, pour participer à un tournoi qui a eu lieu ici à Trois-Rivières, là, dont je ne me souviens pas du tout du nom ni rien. Peu importe ce qui arrivait, on faisait pas la phase finale. On ne faisait que participer aux phases de groupe. Bon, ça a bien à donner parce qu'on a perdu 17-0 et 11-0. Mais il n'y a pas d'encouragement. Il n'y a pas de notion de prendre une équipe par la main puis de l'amener à ce qui, selon moi, devrait être un peu le concept de Hockey Québec, justement, d'aider les équipes à s'établir puis à former quelque chose, à former un groupe. Le fait qu'on donne de l'argent à une organisation, c'est justement pour qu'elle prenne les équipes et qu'elle les amène le plus loin possible. Ben, c'est ça. Puis, je me souviens, à peu près dans les mêmes années, je me promenais souvent aux alentours de Terrebonne avec les Blues. Je me souviens qu'à cette époque-là, c'était le branle-bas de combat, justement, dans l'association de hockey mineur à Terrebonne, parce que, justement, c'était jamais les bonnes personnes qui étaient aux bonnes places, puis c'était toujours des histoires d'horreur qu'on entendait. Ah ben oui. Et ça a pas changé. Et Hockey Québec a rien fait pour modifier le fonctionnement de cette ligue-là qui dépérit. Puis, c'est toujours des histoires de parents qui vont amener le gars, ou de mon oncle qui va en faire descendre un autre, ou de deux gars dans la taverne qui se sont pas entendus. Fait que là, il y en a un qui est bien placé, qui fait descendre le gars de l'autre, puis... Et c'est toujours comme ça, dans toutes les régions. Puis Hockey Québec est supposé d'être là pour chapeauter tout ça, mais ils sont le summum de ces tatas-là. Je vais te donner l'exemple de David Perron. Moi, ce qu'on m'avait conté, David Perron, qui était c'était phénoménal, il n'avait pas joué Midget 3A, il avait joué Midget B. Ouais. Puis l'année d'après, il jouait Junior 3A avec Saint-Jérôme, puis il s'est fait repêcher. Il a joué après ça une année Junior majeur, puis il s'est fait repêcher le National, puis il est arrivé dans le National. Il jouait pas Midget B parce qu'il était de calibre Midget B. Non, non. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il jouait Midget B parce qu'il y avait de la baseball, que ce soit de lui ou vice-versa, je le sais pas. Mais qu'au lieu de mettre le joueur de talent à la bonne place, on a dit, lui, on descend, puis on descend plus bas. Moi-même, j'ai déjà été victime que ça, quand je jouais au hockey, pas moi, là, mais un gars qui était dans notre équipe qui était clairement beaucoup trop fort pour le calibre, parce que, en effet, il s'était fait descendre du 2 lettres, du élite, parce que le parent, whatever, il y avait de quoi, puis ça a fait ça, on a fait descendre le jeune pour cette raison-là, ça nuit à son développement, pas qu'il aurait atteint le national, non. On connaît tout du monde qui sont fait couper du 2A pour des raisons complètement idiotes, parce que raison X, Y, Z. Puis quand tu joues 2A, je m'excuse, mais tu t'en vas pas dans le 2B puis dans le 2C puis te faire arracher la tête quand tu montes Bantam. Là. Ça se met à frapper comme des sans-dessins, ça n'a aucune technique. Et qu'est-ce que tu fais? Tu redescends dans le A. Puis il y a un joueur de 2A qui redescend dans le A, ça brûle la ligue, puis il s'emmerde. Puis quand ça fait ça 2 ans de suite, il lâche le hockey. Oui. Il s'en va jouer au foot. Lui ça va jouer au foot, ça va jouer au soccer, ça va jouer à d'autres choses. Pourquoi le foot est rendu si fort que ça au Québec par rapport aux autres provinces? Faut peut-être se poser la question. C'est qu'il y a un développement au football qui se fait qui est magnifique, contrairement à ce qui se fait au hockey. On enseigne aux jeunes, et c'est ça, ça passe par l'école. Puis il fait juste regarder, ici, on a une équipe de hockey écœurante Puis il y a 4 équipes au Québec de hockey en université. 3. C'est 3, excuse. 3. Ouais, Concordia, McGill, puis nous autres. C'est complètement ridicule que ce soit pas établi à la grandeur des universités. C'est un non-sens. Puis il y a des écoles dans toutes les régions, de toute façon. Il y a des équipes dans toutes les régions, puis il y a parfois et toujours à peu près trop d'équipes dans toutes les régions. Ça fait en sorte que là, plus personne ne sait vous donner de la tête. Alors, confie ça à un programme de sport-études qui va faire de l'élite. Confie ça à une équipe, à une école, on va dire entre guillemets, normale, qui va faire un autre niveau. Et laisse aller les choses. Sort le fonctionnariat de là qui n'est pas du tout connecté ni avec les jeunes, ni avec le sport, ni avec la société dans laquelle il évolue. La seule raison pour laquelle ils sont là, c'est pour se justifier un salaire, puis pour faire monter les jeunes avec qui ils sont chumés, les jeunes de la famille. Une recette qui adapte marche pas, là. On le voit, marche là. Absolument pas. Écoute, il n'y a jamais eu autant peu de joueurs, et c'était bizarre ça, il n'y a jamais eu autant peu de joueurs dans la Ligue nationale québécoise. La Ligue de hockey junior majeur n'a jamais été aussi mal représentée au repêchage, puis on n'arrête pas de se faire planter quand on arrive à la Coupe Memorial. On se fait planter à Coupe Memorial. Le problème n'est pas là. Le problème est du fait qu'on n'est pas capable de faire passer les joueurs au niveau suivant. Ben, entre autres. Les jeunes arrivent avec des carences junior majeures. Le temps que ça prend pour améliorer ces carences-là, il est déjà trop tard pour espérer qu'à 18 ans, tu te fasses repêcher. Ben oui, mais fais juste. C'est à tous les niveaux. Regarde au tournoi hockey Pee-Wee de Québec. Là. C'est pas les équipes du Québec qui performent. Mais non, c'est tout dans les gros programmes américains. Dans le 2C, il y a les équipes du Québec. Oui, dans le 2C. Dans le 2C. Mais pas dans le 2. Je te parle dans la classe internationale. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'ils sont pas. C'est sûr qu'on ne présente pas. C'est ces gros programmes-là. Un programme comme ici, ce qu'ils ont fondé. Là, il parlait de ça dans le texte. Là, il dit que les jeunes sont partis. Il y en a gros qui s'étaient écœurés de se faire poursuivre par Hockey Québec, puis se faire traiter de ci, puis de ça, puis d'hors la loi. C'est pas le fun de faire traiter hors la loi, puis de faire dire tu joueras pas l'an prochain. T'es qui pour me dire que je jouerai pas l'an prochain, là? Oui, au hockey. La moitié du club, c'est en allant en Saskatchewan. C'est ça. En Saskatchewan, aux États-Unis, des places comme ça. C'est complètement ridicule. On a un programme élite ici, dans la région, qui fonctionne. Puis à cause d'une hiérarchie mal faite, on va y perdre pour la Saskatchewan, pour les États-Unis. Puis après ça, on va se demander pourquoi. Team Québec s'est fait planter par Team Saskatchewan. Puis pourquoi, quand les joueurs arrivent ici des États-Unis? Pourquoi on a 3 joueurs dans les tournois U18? C'est ça. Alors que juste la Ligue Midget de l'Ontario, de la région de Toronto en a une gang. Puis pourquoi? Ouais. Essentiellement, là, dans une dizaine, quinzaine d'années, ce que ça va avoir donné, c'est qu'on va avoir des joueurs qui sont nés au Québec, qui vont avoir grandi ailleurs, qui vont avoir leur citoyenneté américaine, puis qui vont jouer pour des universités américaines. Et voilà. Ben oui. Puis qu'on va y perdre, puis après ça, on va se demander, ben voyons, où est-ce qu'on était? Ben c'est ça, on n'était pas là. S'ils veulent atteindre la Ligue nationale, ils vont aller jouer ailleurs. Comme les Biégas ont fait, comme ils sont tout à Harvard. Puis là, c'est sûr que cette ligue-là, il y a une ligue qui vient d'être lancée, la Ligue d'hockey préparatoire scolaire, c'est ça? C'est le programme Ulysse? Oui, ben t'as le programme Ulysse, t'as la Ligue d'hockey préparatoire scolaire. T'as le programme Ulysse de Terrebonne, qui est de l'école Lodicée. Tu vas avoir le Saint-Médard Saint-Joseph ici. Le Collège Lévis, l'Académie Saint-Louis de Québec. Puis l'Ontario Hockey Academy de Cornwall. Ils vont faire des équipes des moins de 15 ans. On parle aussi probablement d'équipe de Sherbrooke. On parle du Collège Bishop. Tu peux me renseigner sur le Collège Bishop, JP? Non. OK, merci. Non, mais il parle Bishop College. Pas l'université, le Bishop College. OK, ouais, c'est ça. OK. Non, je te parlais pas de l'université Bishop, je te parlais de Bishop College. Moi, les gars, je suis pas assez au courant. J'ai pas assez suivi le projet pour... Okay. Vous allez l'air pas mal plus au courant. Moi, OK, ben c'est correct. Non, mais je te demandais sur... c'était quoi exactement le Bishop College? Le Bishop College, c'est comme l'école secondaire qui est à Lennoxville. OK, qui est comme un... C'est comme un peu Saint-Hyacinthe-Noyon, le Collège Antoine-Gérouard. Là. Ah, OK, c'est une école. C'est une école anglophone privée. C'est-tu une école qui est rattachée à l'Université Bishop ou c'est juste rien qu'un annonce? Non, ça s'appelle c'est Johnny Bishop qui est parti. Donc, on va lancer une ligue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On parle aussi du Collège Saint-Bernard de Drummondville, puis de la polyvalente Polybelle de Belleuil. Puis une autre place à Châteauguay qui se joindrait à la ligue éventuellement. Pis, écoute, ils se retrouvent face à... Puis ça, c'est des gars. Il y a des gars de la Ligue nationale, des Stéphane Nebo, puis des gars de même qui ont décidé de chapeauter ça parce que quand tu vois de quoi en train de se décomposer de même... Là, ce serait pas surprenant non plus de voir les programmes de sport-études au fil des années se joindre à cette école-là. Je pense, Québec, entre autres, aux Estacades. Oui, Hockey Québec a trop niaisé avec la POC, puis voilà. C'est ça va donner. Tu vas une équipe midget 3. Sauf que là, ce qui est le danger, peut-être, c'est de voir à quel point Hockey Québec a du poids au sein de Hockey Canada pour aller remettre des bâtons des roues là-dedans, puis que ça recommence à niaiser encore. Moi, je pense que la solution va venir de l'opinion publique. Je pense que Leclerc essaie de donner un coup de pied en quelque part, essayer de pousser les choses, puis ça se voit dans sa façon de parler, puis dans sa façon d'écrire ses textes, puis c'est normal. Hey, on va finir ça demain. On a déjà plus de temps à l'émission. Nos 2 heures sont écoulées. On vous remercie beaucoup d'avoir été là cette semaine. Vraiment, une émission le fun. On a eu du plaisir à vous renseigner sur le monde sportif. Donc, écoutez, la semaine prochaine, on a-tu plein d'affaires à parler? Je pense que oui. La semaine prochaine, nous sommes en une belle semaine. Ne pas manquer le tailgate des Patriotes. Ça serait bien que pour une fois, on se mobilise en tant qu'étudiant et qu'on soit derrière notre équipe. Je pense que c'est un bel événement. Oui. Puis plus ça va, plus les Patriotes sont présents. Fait que let's go. Très bien dit. Ouais. Donc, pour Nicolas Deschamps, qui est moi-même, pour Philippe Doucet, JP Grenier et Pierre-Luc Giroux, je suis Nicolas Deschamps. On vous remercie d'avoir été là cette semaine. Bonne fin de semaine. Salut, bonne semaine. Bonne fin de semaine de sport.